Page jalouse de Jip. Chapitre 1er. Quand Madame d'Étiol entra au trot dans la cour, sa belle-mère qui attendait debout sur le perron lui cria, inquiète, « Vous êtes seule, Antoinette ?» Elle répondit, tandis qu'un domestique emmenait son cheval, « Oui, Guy déjeune à Ligny. » Puis, montant rapidement les hautes marches de granit, elle demanda, « Je suis en retard ?»« Oh, 2 minutes seulement. » « Mais je commençais à m'inquiéter. Guy est toujours exact. » Et comme sa belle-fille la regardait étonnée, la douairière ajouta en souriant, « Quand vous êtes avec lui ?» Madame d'Étiol ôta son chapeau qu'elle accrocha dans le vestibule et suivit sa belle-mère dans la salle à manger où le domestique enlevait un couvert. En voyant les deux femmes assises en face l'une de l'autre, on les eut prises non pour la belle-mère et la belle-fille, mais pour la mère et la fille. C'était, avec 30 années de différence, la même taille souple, le même regard clair et tendre, la même bouche trop grande, rouge et humide, aux dents éclatantes, au large sourire tout plein de jeunesse et de bonté, les mêmes attaches fines et rondes, la même peau veloutée d'une blancheur de jasmin. La douairière d'Étiol portait en bandeau ondé ses beaux cheveux tout blancs, et les cheveux noirs et soyeux d'Antoinette ondulaient aussi, descendant en 2 bandeaux corrects jusqu'à ses petites oreilles roses et entourant drôlement d'un cadre austère sa figure irrégulière à l'expression presque gamine. La douairière fit sauter d'un petit coup sec la pointe de son œuf à la coque et demanda « Je ne comprends pas pourquoi Guy déjeune là-bas puisque vous y dînez ce soir. Comment ça se fait-il » « Ça se fait tout naturellement. Nous avons rencontré les Ligny dans la forêt auprès de l'Hiverdin » et comme nous étions tout près de chez eux, ils ont à toute force voulu nous emmener déjeuner. J'ai refusé, Guy a accepté, et voilà. » Voyant que sa belle-mère ne disait rien, elle ajouta, « On essaye un nouveau bateau sur la Moselle cet après-midi. Les Lassolais doivent venir assister au lancement, mais ils ne seront pas là ce soir, ils ont du monde. Pourquoi n'êtes-vous pas, vous aussi, resté à Ligny ? D'abord parce que vous auriez été inquiète en ne voyant rentrer personne. » Ensuite, parce que je n'en avais pas la moindre envie. Les Ligny sont des gens charmants, certainement, mais enfin, quand j'aurai dîné avec eux ce soir, ça me suffira. Vous auriez vu Madame de Lassolais, la petite marquise, comme on dit ici, que vous ne connaissez pas encore. J'ai bien le temps de la connaître. C'est, paraît-il, ce que nous avons de plus chic dans le pays. Voilà qui m'est égal, par exemple. Si vous saviez, madame, combien je me fiche que les gens soient chics ou pas chics. Alors, mon enfant, je vous dirais, pour parler comme vous, que vous n'êtes pas du tout dans le train. « Je le sais bien, » fit Antoinette, dont le sourire s'effaça presque. Sa belle-mère la regarda affectueusement. « Je crains toujours, quand je vous vois refuser une invitation ou abandonner une partie, que vous ne fassiez ça pour moi, par gentillesse, pour rester à me tenir compagnie. »« Ah, je vous assure bien, madame, » s'écria Antoinette avec conviction, « que j'aime mieux être ici qu'à Ligny. » »« Bien vrai, bien vrai. » Et qu'au lieu d'y aller tantôt, je préférais aussi rester avec vous. Et avec Guy, même avec vous toute seule. Même avec moi toute seule, dit la douairière en souriant. Pardon, balbutia Madame d'Étiol qui rougit. J'ai dit ça, vous avez dit ça sincèrement, ma chère petite, et c'est sincèrement aussi que je vous en remercie. Après un silence, la vieille comtesse reprit. Puisque vous ne vouliez pas aller à Ligny ce matin, Guy aurait bien pu n'y pas aller non plus. « Pourquoi ? Ça l'amuse. » La douairière se retourna pour regarder si le domestique était sorti, et ne voyant personne, elle demanda en souriant. « Alors, vous n'êtes pas du tout jalouse ? » Antoinette répondit sans lever les yeux. « Pas du tout. »« Combien y a-t-il de temps que vous êtes mariée ? » ?»« Il y a aujourd'hui 3 mois, madame. »« 3 mois seulement. »« Le temps vous a paru long ?» demanda Madame d'Étiol, inquiète. « Non, certes. » Mais je ne peux plus me représenter cette vieille maison sans votre éclat de rire et votre gaieté. J'ai oublié le temps où j'étais seule, ou avec un fils maussade et ennuyé. Alors vous me pardonnez d'avoir épousé Guy ? Et comme la douairière allait protester, elle ne lui en laissa pas le temps. Oh, j'ai si bien compris ce qui se passait en vous, c'est si naturel. Vous ne pouviez pas vous réjouir de voir épouser à votre fils une veuve, quand vous aviez rêvé pour lui une jeune fille. « Sans compter que j'imagine facilement tout ce qu'on avait dû vous dire de moi. »« Je n'avais rien cru. »« Que si, on croit toujours un peu. »« On m'avait bien raconté à moi que vous étiez sévère, méchante, et j'avais de vous une peur atroce. »« Comment, vraiment ?»« Oui. Oh, par exemple, ça n'a pas duré longtemps. »« Je me suis dit tout de suite, en voyant votre bon sourire, que vous ne pouviez pas être méchante. Tiens, la cloche !» Elle se leva à demi pour regarder par la fenêtre et continua. « Une voiture qui entre. Une voiture que je ne connais pas. Et un monsieur que je ne connais pas non plus. Un monsieur avec une malle. » La vieille comtesse s'adressa au domestique. « Voyez donc qui arrive. C'est monsieur le marquis de Bièvre, madame la comtesse. »« Ah !» murmura la douairière, surprise. Et se tournant vers un grand garçon qui entrait, elle lui dit, l'air heureux et la voix affectueuse, « Comment, c'est vous ? Je croyais que vous ne reviendriez jamais au pays. » Il répondit en baisant la main tendue vers lui, « J'y reviens au contraire, et pour tout à fait, ou presque. » Puis il s'inclina devant madame d'Étiol qui le regardait sans rien dire. « Antoinette, » dit la douairière, « c'est Jacques de Bièvre, de qui vous nous avez si souvent entendu parler. » Voyant que monsieur de Bièvre examinait la comtesse avec une attention étonnée, elle ajouta, la présentant aussi, « Ma belle-fille, vous êtes, sans vous être jamais rencontrée, de vieilles connaissances. » « Mais, » dit Jacques, qui souriait, « j'ai eu très souvent l'honneur de rencontrer madame d'Étiol. »« Où ça ?» demanda la douairière, s'adressant à sa belle-fille. « Je croyais que vous n'aviez jamais vu Jacques. »« Je le croyais aussi, madame. »« Où donc vous êtes-vous rencontrée ?»« Nous allons vous raconter ça, » dit monsieur de Bièvre en riant. « Mais où donc est Guy ?»« Sorti, naturellement. Allons, je vois qu'il n'a rien changé à ses bonnes habitudes. »« Je n'ai jamais vu d'homme plus sorti que Guy. » Il déjeune à Ligny. Tiens, je croyais qu'il y dînait. Et comme j'y dîne aussi, je comptais sur lui pour m'y transporter. Se tournant vers la douairière. Car j'oublie de vous dire, madame, que je viens vous demander à déjeuner d'abord. Et ensuite l'hospitalité pour 2 ou 3 jours. Pour plus que ça, j'espère. Guy est resté à déjeuner chez les Ligny. Mais il y dîne aussi, et il rentrera tantôt pour s'habiller. Non, dit madame d'Étiol, on doit lui envoyer son habit. Monsieur de Bièvre fit un mouvement. « Alors je vais voir si mon cocher n'est pas repartillé. Mais c'est inutile, » dit la douairière. « Ma belle-fille vous emmènera. » Jacques regarda interrogativement Antoinette. « Très volontiers, » dit-elle. Puis elle ajouta. « Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes de retour ? Guy ne savait pas que vous deviez revenir. Je ne le savais pas non plus, mais au beau milieu du Tibet, tout à coup... Une envie bleue de revoir la France et de n'en plus jamais sortir. » La vieille comtesse demanda. « Depuis 2 ans, vous avez toujours voyagé ?»« Toujours. J'ai été en Afrique, aux Indes, en Perse, un peu partout. » »« Et ça vous a pris subitement, cette passion pour les voyages ?»« Subitement, oui. J'avais l'intention de m'occuper beaucoup de politique en 89, de passer tout l'été aux Roches et de travailler aux élections. Eh bien, quand j'ai vu comment tournaient les choses, ça m'a écœuré. À ce moment-là, je m'embêtais mortellement, et quand j'ai constaté que la distraction sur laquelle je comptais m'échappait, j'ai pris le parti de filer tout droit devant moi, et j'ai filé, pendant 2 ans et demi. » Et se tournant tout à coup vers Antoinette, « Et vous, madame, avez-vous toujours la même admiration pour les primitifs ?»« Ah ça !» demanda la douairière. « Me direz-vous comment vous connaissez les admirations de ma belle-fille et où vous l'avez vue ?»« Au Louvre, où j'allais très souvent. » Et où elle allait, je crois, encore plus souvent que moi. À ce moment-là, je vivais déjà comme un ours. J'entendais souvent parler de madame de Fresnay, mais je ne l'avais jamais rencontrée. Et certes, quand j'ai reçu, il y a 6 mois, à Téhéran, la lettre où Guy m'annonçait son mariage, je ne me suis pas douté que la femme qu'il épousait était la dame de la galerie des primitifs. La petite dame, comme disaient les gardiens. Et s'adressant à madame d'Étiol, « Vous en êtes-vous assez moqué, dites du grand Escorif, qui malgré lui vous examinait si curieusement. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder le tableau placé à côté de celui que vous regardiez, ou de me retourner quand je vous avais croisé. Je voyais pourtant bien que ça vous agaçait. Mais non, mais si. La preuve que ça vous agaçait, c'est que, devinant bien que je voudrais savoir qui vous étiez, vous aviez défendu au gardien de me le dire. Pas du tout. D'abord, ils ne le savaient pas non plus, les gardiens. Ah, vraiment? Comment faisait-il, alors, pour vous envoyer les plâtres qu'il se chargeait de vous procurer, parce que ça vous ennuyait d'aller courir au moulage? Oui, parfaitement. Un jour, c'était la femme inconnue, un autre jour, la psyché, et puis encore la femme inconnue, et puis ceci, et puis cela. Mais quand j'ai demandé votre nom, ah oui, rudement discipliné, les gardiens, jamais je n'ai pu obtenir d'autre réponse que celle-ci. Ça, c'est la petite dame. Nous ne savons pas ses autres noms. Ou encore, si vous voulez savoir qui c'est, ben, suivez-la. Eh bien, demanda la douairière. Eh, il savait bien que je n'oserais pas la suivre, la petite dame. C'est vrai, je n'ai jamais osé. Elle avait une façon si moqueuse de m'examiner sans me regarder jamais. Un petit air si paisible lorsqu'elle descendait le grand escalier et filait comme un rat dans la galerie des antiques pour rejoindre sa voiture qui attendait dans la cour du Louvre que ça me paralysait. Un jour, je me suis lancé. J'ai fait quelques pas derrière elle. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'a pas changé d'allure, mais j'étais sûr, parfaitement sûr, qu'elle se doutait que je la suivais. Et je devinais qu'elle marmottait « imbécile ». « Oh !» murmura Antoinette. « Imbécile est excessif !»« Que non !» Et tout à l'heure, quand j'ai reconnu en entrant la petite dame des primitifs, j'étais d'autant plus ahuri que tout de suite, j'ai eu conscience que la petite dame recommençait à se moquer de moi. Croyant que Madame d'Étiol allait poliment protester, il reprit « Vous avez bien raison, allez, madame, et je vous supplie de continuer. Vous allez voir, nous serons tout de suite de bons amis. D'abord, je ne suis pas toujours aussi godiche qu'au Louvre. À propos de godiche, est-ce que Bessège est aux glycines ?»« Oui, vous allez dîner avec lui ce soir. »« Ah, quelle joie! Dites-moi, comment le trouvez-vous, le beau Bessège ?»« Mais je ne le trouve pas. »« C'est singulier, » dit la douairière. « Antoinette prétend que M. le Bessège est très ordinaire. »« Très, » affirma nettement Mme d'Étiol. Jacques de Bièvre regarda la jeune femme et dit « Ça prouve que Mme d'Étiol a le goût sûr et fin. Toutes les femmes déclarent Bessège irrésistible, sans quoi je leur trouve, moi, le goût infiniment grossier. »« Oh !» fit doucement la vieille comtesse. Jacques insista. « Oui, grossier. Bessège est un bel âtre, très bien vêtu, très parfumé, très correct, il faut le reconnaître, mais dont les talents de société se bornent à bien monter à cheval. » Et à réciter le soir les menus potamondins qu'il a lus le matin dans le Gaulois. Un point, c'est tout. Ben moi, je trouve ça court. Et Madame de Flirt, est-ce qu'elle va toujours bien ? Madame de Flirt, répéta interrogativement Antoinette. C'est la petite La Soleil, expliqua la douairière. Jacques l'appelle toujours Madame de Flirt. Avouez que c'est un nom qui lui va. Combien d'enfants depuis mon départ ? 2. Ça fait 6. Gaston a raison. C'est la seule chance qu'il ait de retarder l'accident. « Vous êtes méchant, » dit la douairière. « La petite La Soleil est très gentille. »« Et qui dit qu'elle n'est pas gentille ?»« C'est justement parce qu'elle est très gentille, parce qu'elle l'est même trop, que Gaston court des risques. » Il s'adressa à Antoinette. « N'est-ce pas, madame ?»« Je ne sais pas, moi, je ne connais pas Madame de La Soleil. » Comme Monsieur de Bièvre semblait étonné, elle s'expliqua. « Quand nous sommes arrivés à Étiol, les La Soleil étaient aux eaux. » Ils ne sont revenus que depuis quelques jours et je ne les ai pas encore vus. Guy déjeune avec eux à Ligny ce matin. Elle a dû être navrée du mariage de Guy, la petite marquise. Dame, c'est toujours flirt de moi. Et elle ne les lâche pas facilement, ces flirts. Ça la déchire. Il s'arrête à court en voyant l'air mécontent de la douairière et pour corriger ce qu'il venait de dire. Oh, il n'était d'ailleurs pas bien chaud, le flirt de Guy. Il se laissait faire, voilà tout. Madame d'Étiol s'écria en riant. « Ne vous donnez donc pas la peine de me prodiguer des consolations, ça m'est bien égal, vous savez. » Et la vieille comtesse affirma. « Antoinette n'est pas du tout jalouse. » Madame d'Étiol, très occupée à peler une pêche qui glissait des dents de la petite fourchette de vermeil, reprit. « Si le mariage de Guy a enlevé à Madame de La Soleil un de ses flirts, votre retour lui en rend probablement un autre ? » ?»« Oh non !» Je suis, moi, un ours mal léché, qui a l'horreur profonde du flirt et des flirteuses. » Antoinette demanda. « Comment est, monsieur de La Soleil ?»« Il est charmant, ce pauvre Gaston, mais il n'existe pas de mari qui ait été aussi copieusement trompé que lui. Oh, trompé en rêve, en imagination, moralement, si l'on peut dire. Pour le fait matériel, les circonstances n'ont pas été jusqu'ici favorables. »« Heureusement pour monsieur de La Soleil, » dit la vieille comtesse. « Oh, est-ce si heureux que ça ? Moi, j'estime que le cœur d'une femme est plus précieux à posséder et garder que le reste. Si j'aimais une femme, si je l'avais épousée même, je serais aussi blessé, aussi chagrin, aussi humilié de savoir qu'elle me trompe tout le temps et de toutes ses forces, par pensée et par désir avec tous les hommes qu'elle rencontre, que d'apprendre qu'elle me trompe pour tout de bon avec un seul. » Madame d'Étiol regarda M. de Bièvre et s'écria avec élan « Comme c'est vrai, ça. N'est-ce pas ? Quand je vous le disais que nous nous entendrions. « Mon cher Jacques, » observa la douairière, « vous avez une morale. excellente. Et vous êtes de mon avis, au fond, mais... Je suis là à bavarder, à retarder votre déjeuner. Mais non, Guy sera désolé d'être resté à Ligny. Bah, il aura tout le temps de me revoir, Guy, et son bonheur de lui avoir fait oublier un peu ses amis. Puis, comme s'il eût fait une question toute naturelle, il demanda, au profond ahurissement de la douairière, « Dites-moi, pourquoi l'avez-vous épousé, cet étourneau de Guy ?» Antoinette leva ses bons yeux limpides sur M. de Bièvre et répondit simplement, « Je l'ai épousé parce que je l'aime de tout mon cœur. »« Bravo !» cria Jacques. « Vous avez l'air d'une brave petite femme, vous, et pas compliquée au moins, à la bonne heure. » Il offrit son bras à la vieille comtesse qui se levait de table et l'installant dans la grande bergère de soie au ton vieillot et éteint placé près d'une des fenêtres du salon, il lui dit « Vous revoilà telle que je vous ai laissée il y a 2 ans, quand je suis venu un matin déjeuner avec vous, comme aujourd'hui, comptant revenir le lendemain. Il n'y a rien de changé, rien. » La douairière montra sa belle-fille qui, à l'autre bout du salon, faisait le café dans un petit filtre russe. « Ah oui, c'est vrai, » fit Jacques, « c'est un changement, ça. » Il regarda Madame d'Étiolle qui, toute svelte, dans son amazone, allait et venait autour de la table et murmura à demi-voix « Et un gentil petit changement, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit la vieille femme en enveloppant sa belle-fille d'un affectueux regard. « Oui, je crois que cet étourneau de Guy, comme vous dites, agit sagement pour la première fois de sa vie. » Antoinette s'avançait vers eux de son pas glissant et souple, tenant une tasse dans chaque main. « Qu'est-ce que vous fumez, monsieur de Bièvre? Cigare, pipe ou cigarette ?»« Vous permettez la pipe ?»« Oui, pourquoi pas. »« Parce que c'est plus laid que le reste. Je ne trouve pas. »« Vous voulez-vous dire par là que vous trouvez tout également laid ou au contraire que vous aimez la pipe ?»« Je ne fume pas. »« Oh, je ne vous demandais pas si vous aimiez la pipe pour vous-même. Alors vous ne fumez pas. » Pas même une pauvre petite cigarette. Pas même une pauvre petite cigarette. Ah, tant pis. La douairière intervint. Comment tant pis? Voilà que vous allez pousser Antoinette à fumer à 7 heures. Oh, monsieur Bièvre peut m'y pousser tant qu'il voudra, dit madame d'Étiolle en riant. Ça ne changera rien. Le marquis frotta une allumette en demandant. Au moins, ça ne vous est pas désagréable? Pas du tout, j'aime ça. Il reprit, s'adressant à la vieille comtesse. « Je ne demande rien à vous, madame. Je sais que vous êtes l'indulgence même et que vous nous avez toujours permis de fumer. Oh, moi, vous savez mon opinion sur les femmes que le tabac gêne, n'est-ce pas ?»« Parfaitement. Sauf les infirmes, que vous excusez, vous dites que ce sont des bégueules ou des poseuses. »« C'est bien ça. Vous avez de la mémoire. » Monsieur de Bièvre avait allumé sa pipe. Il s'installa dans un fauteuil de bambou et dit « Est-ce que cet animal de Guy ne serait pas mieux ici avec nous que là-bas à Ligny à digérer un déjeuner exécrable ?»« Qui ne peut se comparer qu'au dîner que nous mangerons ce soir, en écoutant jacasser cette piborgne de Madame de Ligny ?»« Car je présume qu'elle jacasse toujours autant, Madame de Ligny. » La douairière répondit « Oui, toujours, elle est fatigante. »« Et Noirval, et la mère Noirval ?» Antoinette avait ouvert la baie vitrée qui sépare le salon de la terrasse, et était allé s'accouder sur les balustres de pierre. La taille un peu fléchie, le visage plongé dans ses 2 mains, elle regardait la superbe vue qui s'étendait devant elle. Au loin, la Moselle coulait limpide et glaciale, baignant d'un côté la main sombre de la forêt de Hay, de l'autre des prés d'un vert velouté et frais des champs de luzerne tout rose. À droite, le petit village de Liverdun dressait sa silhouette hérissée de vieilles forteresses. Son église du XIIIe siècle et les ruines de son vieux château se détachant sur le bleu tendre du ciel comme un gigantesque épi mûr. Le regard perdu, troublé par les larmes prêtes à couler, Antoinette pensait qu'elle était bête de se faire du chagrin, mais qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de s'en faire et qu'elle s'en ferait toujours. Et il pensait surtout qu'il fallait cacher ce chagrin comme on cache une chose honteuse et ridicule. Ah, elle disait bien vrai tout à l'heure quand elle répondait à Monsieur de Bièvre. J'ai épousé Guy parce que je l'aime de tout mon cœur. Oui, elle l'aimait. Elle l'aimait à la fois d'un amour violent et d'une tendresse câline. Veuve à 24 ans, après avoir perdu un enfant de quelques mois, elle n'avait connu de la maternité que les tristesses et du mariage que les ennuis. Non pas que son mari fût exceptionnellement désagréable. Elle n'avait été, comme elle le disait assez justement, ni caressée ni battue. En somme, une assez bonne moyenne. Monsieur de Fresnay avait 10 ans de plus qu'elle, une fortune semblable à la sienne, un titre, un joli physique et suffisamment d'esprit. C'était ce qu'on appelle un mariage bien assorti. Néanmoins, de ces 6 années de ménage, elle avait gardé un souvenir odieux, où elle s'attendait à trouver un ami, ou tout au moins un compagnon aimable et affectueux. Elle n'avait rencontré qu'un maître hargneux et dominateur, continuant après son mariage, sans rien y changer, sa vie de garçon. De tout cela, elle n'avait, à vrai dire, pas réellement souffert. N'aimant pas avant le mariage, elle continua à n'aimer pas après. Elle ne connut ni inquiétude ni jalousie. Pendant 6 ans, ces deux êtres vécurent côte à côte, sans jamais se fondre un seul instant. Chacun éprouva un doux et bienveillant mépris pour l'autre. Affolée par la perte de son enfant, Antoinette n'avait pas, à la mort de son mari, témoigné une douleur qu'elle n'éprouvait pas. Elle avait été simplement correcte, et son deuil fini, elle s'était mise à jouir goulûment de sa liberté. La vie qui, jusque-là, lui semblait sévère et maussade, lui était apparue bonne et joyeuse. Sa gaieté, longtemps refoulée, rayonnait. Franche, sincère, bonne, l'esprit droit, le cœur simple et chaud, elle vécut pendant 10 années humant l'air et la lumière et marchant tout droit devant elle, sans se demander où elle allait. Bien décidée même à ne marcher jamais vers un but déterminé, irréprochable dans sa vie, elle répondait à ceux qui lui conseillaient de refaire par un nouveau mariage cette vie une première fois manquée. Jamais, une veuve qui se remarie n'était pas digne de l'être. Très gâtée, très entourée, attirant des admirateurs par son charme très pénétrant et des amis par sa bonté très réelle, elle avait agréablement exploré ce qu'on appelle le monde, mais à ce monde elle donnait très peu d'elle-même, vivant en somme beaucoup plus pour elle que pour lui. Tant qu'elle avait été mariée, elle menait une vie toute intellectuelle, lisant, étudiant, pensant beaucoup. Cette vie à laquelle elle s'était accoutumée malgré elle lui parut un jour valoir mieux que celle qu'elle avait depuis la mort de son mari, et peu à peu elle reprit ses anciennes habitudes. C'est à ce moment qu'elle connut Guy. Très jeune de caractère, très affolée de chic, adorant le monde, y allant avec rage pendant les 2 ou 3 mois qu'il passait à Paris au printemps, le comte d'Étiol, rencontrant Madame de Fresnay très en vedette et très lancée, comme il disait, s'était tout de suite fait présenter à elle. Tout de suite aussi, il lui avait fait la cour, comme il la faisait à toutes les femmes, et Antoinette, qui jusque-là avait passé froidement au milieu des adorations sans y laisser une parcelle de son cœur ni de sa belle humeur, s'était sentie devenir tout autre en présence de Guy. Elle s'attristait de ne pas le voir assez, s'inquiétait de le voir trop. Elle se souvenait de ses moindres phrases, de ses moindres mouvements. Toutes ses attitudes, tous ses sourires se gravaient dans sa pauvre tête effarée. Elle éprouvait pour lui une affection grandissante, une sorte d'admiration passionnée. Il lui semblait qu'il devait être doux de se laisser dominer par ce solide garçon, si gai et si bon. Et lorsqu'autour d'elle, elle entendait énumérer les nombreuses aventures amoureuses de M. d'Étiol, elle ressentait une joie en même temps qu'un déchirement. Guy, lui aussi, s'était laissé prendre. À force de faire semblant d'aimer, voilà qu'il avait fini par aimer pour tout de bon. Jusque-là, il ne connaissait guère que les amours faciles et les flirts mondains. Détestant les difficultés et les complications, n'admettant pas la résistance, redoutant les ennuis, il s'était contenté d'aimer de belles filles et de se montrer avec de jolies femmes du monde. Suffisamment heureux lorsqu'il voyait ses bons petits camarades lui envier sa maîtresse ou lui attribuer les grâces de telle ou telle femme élégante. Il trouvait qu'en fait de liaisons mondaines, celle qu'on paraît avoir fait autant d'honneur que celle qu'on a. Non pas qu'il fît d'ailleurs rien pour donner le change. Il était incapable d'une indélicatesse. Mais la chronique galante marquait à son tableau pas mal de pièces visées par lui et tirées par d'autres, et ses protestations étaient interprétées comme des aveux. Alors, de guerre lasse, il avait fini par se taire et croire en quelque sorte que c'était arrivé. Quand il s'aperçut que promener aux courses et aux expositions Madame de Fresnay, marcher dans son sillage, respirer son parfum, frôler son bras nu ne lui suffisait plus, lorsqu'il sentit qu'une colère rageuse le prenait à s'entendre complimenter sur cette nouvelle aventure, que le semblant de possession ne le satisfaisait pas cette fois et qu'il lui fallait la femme elle-même, un immense découragement le prit tout d'abord. Si peu qu'il eût d'expérience, il comprenait bien que Madame d'Étiol ne se donnerait pas à lui. Cette femme drôlette avec ses yeux rieurs, ses dents de petit chien et ses allures incorrectes, lui inspirait un inexplicable respect. Jamais elle n'avait répondu à son flirt. Dieu sait pourtant s'il était un habile flirteur. Jamais un pauvre petit serrement de main furtif, jamais une fleur abandonnée, jamais une question ni une réponse montrant qu'elle comprenait. Et c'était cependant bien clair. Mais non, elle avait une diable de façon de vous planter dans les yeux son regard malin et honnête qui paralysait tous les moyens. Et puis, c'était ce qui inquiétait le comte, ils n'étaient plus les mêmes, ces moyens. Dès qu'il s'approchait de madame de Fresnay, il les sentait diminuer ou même disparaître. Il cherchait ses mots, perdait le fil de ses idées, et finissait quelquefois par avoir un tremblement nerveux. C'était grotesque. Il avait l'air idiot, elle devait se moquer de lui. Ah non, certes, elle ne se moquait pas de lui. Elle l'aimait de toutes ses forces, et se demandait avec effroi ce qu'elle allait devenir quand il disparaîtrait de sa vie, car elle ne doutait pas qu'il ne disparût. Elle voyait qu'elle lui plaisait, qu'il la trouvait amusante et drôle, mais tant d'autres la trouvaient amusante et drôle. Elle lui disait de la même façon. Si, à ce moment-là, il lui demandait d'être sa maîtresse, elle se fût sans hésiter donnée à lui. Il n'osa pas. Ne sachant pas qu'elle était aimée, elle s'efforçait d'être avec lui comme avec les autres, rigide en dépit d'un laisser-aller apparent. Il ne sut pas, sous cette froideur, découvrir l'immense affection d'Antoinette. Alors il écrivit à sa mère des lettres désespérées. Il adorait madame de Fresnay, il voulait l'épouser, il ne pouvait plus vivre sans elle. La douairière fut consternée. Certainement, elle voulait marier son fils, mais elle rêvait autre chose qu'une veuve du même âge que lui, qu'une femme qui n'avait, il est vrai, jamais fait parler d'elle, mais de laquelle on parlait cependant beaucoup trop. Une mondaine effrénée n'était pas du tout l'affaire de Guy, déjà trop mondain lui-même. Elle pensait aussi toutefois, sans oser formuler sa pensée, est-ce qu'il ne pourrait pas, sans l'épouser, tenter la chance? Et elle s'informa. Elle apprit que madame de Fresnay passait pour imprenable. Elle apprit aussi la phrase attribuée à la jeune femme. Une veuve qui se remarie n'était pas digne de l'être. Et elle se rassura, faisant comprendre à son fils que cette décision de ne pas renouveler une expérience fâcheuse semblait irrévocable et que toute démarche serait inutile. Mais devant le désespoir de Guy, elle céda. Un de ces désespoirs d'enfant gâté, fou, effrayant. Elle en vint même à souhaiter ardemment une réponse favorable. 2 mois plus tard, Antoinette épousait M. d'Étiolles, et la douairière, se raidissant contre ses préventions, s'efforçait d'accueillir avec bienveillance sa belle-fille. Tout de suite, le caractère de la jeune femme lui plut. Gaie, rieuse, vivante sans être agitée, elle l'égayait et égayait le vieux château si sombre avant sa venue. Sous cette brusquerie gamine et cette insouciance apparente, elle devinait une douceur et une tendresse infinies. Et puis, elle était touchée de l'affection d'Antoinette pour Guy. Affection silencieuse, peu expansive, mais si sûre et si vraie. Le comte, lui, se laissait aimer avec tranquillité et aimait de même. Pendant le mois qui suivit son mariage, il ne sortit d'Étiolles que pour se promener en voiture, à cheval ou en bateau avec sa femme. Mais quand le temps habituellement consacré aux voyages traditionnels fut passé, il parla de faire quelques visites, et comme Antoinette se récriait, il lui expliqua qu'on est formaliste en province et qu'il ne fallait pas blesser les susceptibilités. Docilement, elle se résigna, et aussitôt la vie mondaine recommença. Dîner, soirée, déjeuner sur l'herbe. M. d'Étiolles paraissait enchanté. Quant à Antoinette, après avoir résolument essayé de suivre son mari dans ce mouvement continu qui l'énervait, elle y renonça et n'accepta plus que de loin en loin quelques dîners chez des amis intimes. À la douairière qui insistait pour la faire sortir plus souvent, elle répondait « Pourquoi ? Ça ne m'amuse pas, moi. Laissez-moi rester avec vous. » Le vrai motif de cette retraite, c'est qu'en voyant son mari empressé, gracieux et aimable pour toutes les femmes, en le retrouvant exactement tel qu'il était avant de l'aimer, elle avait éprouvé une sensation inconnue et horriblement douloureuse. Elle se savait aimée de Guy, elle était sûre de son affection, de sa loyauté, mais elle souffrait quand même de le voir aussi câlin, aussi gentil, en un mot aussi flirteur avec d'autres qu'avec elle. Un instant, elle eut la pensée de lui avouer sa faiblesse, de le supplier de renoncer à ses allures anciennes. Mais elle eut honte, et elle ne dit rien, cachant si bien sa jalousie que la douairière, si perspicace qu'elle fût, ne soupçonna rien et s'étonna même de cette confiante indifférence un peu excessive à son avis. Certes, En devinant Guy souriant et heureux loin d'elle, Antoinette souffrait aussi. Mais elle souffrait moins que quand il lui fallait assister à ses petits manèges, à ses coquetteries presque féminines. Et puis, elle avait une peur immense de laisser voir sa préoccupation constante. Elle, qui autrefois ignorait et niait la jalousie et qui se moquait tant des femmes jalouses, allait-elle donc être grotesque, elle aussi? Non, cela jamais. Jamais personne ne verrait ses larmes ni ne soupçonnerait ses craintes. Mais jamais non plus elle ne se moquerait, à présent, de celle qui souffre. En souffre vraiment trop. Combien elle regrettait d'avoir suivi ce mouvement de tout son être qui l'entraînait vers Guy. Elle l'adorait si uniquement, si exclusivement. Elle avait si bien enfermé en lui tout ce qui lui restait de jeunesse et de vie, sans se demander, en acceptant d'être sa femme, si lui aussi concevait l'amour comme la fusion intime et totale de deux êtres à l'exclusion de tout ce qui n'est pas eux. Pour elle, elle n'aimait et ne s'intéressait plus au monde qu'à Guy, et à la douairière, parce qu'elle était la mère de Guy. Les relations, les succès mondains, la trouvaient indifférente ou le plus souvent l'ennuyaient. Et peu à peu, sans en rien laisser voir, elle se mettait à haïr ces gens qui lui prenaient une part de son bonheur et de son mari, de ce mari si bien fait pour le monde et si peu fait pour elle. Toujours accoudée, regardant couler l'eau bleue avec cette fixité distraite qui ne distingue même pas les objets que dans son acuité apparente elle semble traverser, Madame d'Étiol avait oublié l'heure et M. de Bièvre et le dîner des livries. Elle se retourna en entendant derrière elle une voix gouailleuse qui demandait « C'est joli, n'est-ce pas, l'eau qui court? C'est de couleur argentée et douce, et ça tient compagnie bien plus qu'un important et presque autant qu'un chien. » Debout à la porte du salon, M. de Bièvre la regardait, la bouche sérieuse et les yeux souriants, ses yeux d'un bleu pâle et froid, d'une singulière intensité d'expression. Elle se redressa, un peu honteuse d'être surprise dans sa rêverie. « Je vous demande pardon, » dit-elle, « je vous pardonne. » « C'est Madame d'Étiol qui vous réclame. Moi, je ne me serais pas permis de troubler vos méditations. »« Oh !» dit Antoinette qui rentra dans le salon. « Mes méditations ne sont pas bien graves, n'est-ce pas, madame ?»« Non, mais elles vous ont fait oublier qu'il faut conduire ce revenant à sa chambre et vous habiller pour aller à Ligny. »« Pour aller à Ligny ? Quelle heure est-il donc ?»« Bientôt 4 heures, et vous avez 5 lieues à faire. » Antoinette rougit. Il y avait 3 heures qu'elle était là, pensant à un tas de rien triste et décourageant, sans plus s'occuper de son hôte. Voyant que, suivie du marquis, sa belle-fille allait sortir, la douairière demanda « Vous savez dans quelle chambre il faut le mener ?»« Oui, madame. » Et se tournant vers M. de Bièvre, elle ajouta gentiment « Dans la chambre de Jacques. »« Ah » dit-il, surpris d'entendre la voix un peu grave de la jeune femme prononcer son nom. « Ah, que c'est bien d'avoir laissé mon nom à cette chambre où, depuis si longtemps, je ne suis pas venu. »